Yipeh menuahat se. Beauté de la nature. Ne me dis pas que tu veux mourir quand la terre, ta mère, te nourrit. Ne me dis pas que tu veux partir quand autour de toi respire la vie. N'entends-tu pas ta sœur la rivière qui t'appelle? Elle coule comme le sang dans tes veines. N'écoutes-tu pas ton frère le vent qui te parle? Il te dit, confie-moi un peu de ta peine. Ne regardes-tu pas parfois dans le ciel ta grand-mère la lune qui éclaire ta souffrance? Lève ton regard vers le grand esprit éternel. Il t'accueille avec un souffle d'espérance. Permets à ton cœur de s'ouvrir, tu verras que la nature t'aidera. Permets à tes rêves de s'épanouir, tu verras que ta vie changera. Ipe menuahat se.